En Corée, on a construit les fresques en mosaïque représentant les grands hommes d'Ikkyosun dans diverses unités d'activité de la province du Hamgyong du Sud. Les fresques en mosaïque représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il qui bénissent l'avenir de la patrie prospère en souriant largement au Mont Baekdu, mont sacré de la Révolution, à l'usine des machines minières de Dancheon, à la ferme coopérative de Dolsan de la ville de Dancheon et à l'entreprise de l'agriculture de Ryongdae. La fresque en mosaïque transmettant l'amour du peuple, des grands hommes qui ont consacré tous leurs efforts pour alimenter beaucoup plus de poulets et œufs à la population, a été mise sur pied au centre d'élevage de poules de la jeunesse de Hongsan. Les cérémonies de dévoilement ont eu lieu sur place.